L'effet psychique de la vibration supramentale, enregistrement produit lors du mois de juin de l'année 2024, la conscience supramentale génère une vibration qui a un effet psychique. C'est un effet qui peut être ressenti, qui peut être capté justement sur le plan vibratoire. Et la particularité de l'effet de la mise en vibration, c'est que ça fait écho à un savoir auquel on peut porter et que ça crée une forme d'activation. Bernard de Montréal, qui a initié le mouvement de la conscience supramentale au Québec et dont nombreux enregistrements sont présentement disponibles sur le web, a une parole à effet psychique et d'autres instructeurs aussi. L'effet psychique de la vibration supramentale, c'est que l'énergie qui est véhiculée à travers la parole a une portée transformatrice, a une portée d'être un élément catalyseur pour activer le potentiel latent ou à peine émergent ou en voie d'émergence au sein de l'individu qui est marqué pour vivre le processus de la fusion. L'effet psychique de la conscience supramentale en lien avec une parole, bon, ben quelqu'un qui a une parole vibratoire, c'est un petit peu comme quelqu'un qui, par exemple, va avoir, dans le fond, ce qui me vient en tête, c'est une allumette qui est allumée. De partager le feu qui est produit par une allumette allumée à une autre personne, ça n'enlève rien au feu qu'on peut avoir. Bien, j'invente rien, là. Il y a une petite anecdote de sagesse que de partager la lumière à quelqu'un, ça n'enlève rien à la lumière qu'on a. Puis, il y a d'autres personnes qui en bénéficient. Par contre, ici, par rapport à la conscience supramentale, à la différence de la sagesse issue de la haute spiritualité, en fait, c'est un feu qui est partagé ou propagé entre individus concernés. En ce sens que tout est reçu sous la forme récipient, comme a été déjà énoncé à moult reprises certains philosophes. Et en relation avec cela, c'est que si la personne est marquée pour la conscience supramentale, elle va avoir la sensibilité psychique au moment de percevoir un enregistrement à caractère vibratoire pour reconnaître la vibration, reconnaître que c'est ça. Donc, être en contact avec un enregistrement à caractère vibratoire, ça peut être un élément catalyseur qui peut favoriser l'autodéploiement vibratoire de sa personne et sortir la personne de la peur. En ce sens que si une personne écoute tout le temps des bulletins de nouvelles et est pris dans un état de peur qui est amplifié par de l'enflure médiatique qui est fait, dans le sens qu'il y a un effet de loupe qui est généré par certains médias, donc un peu comme une loupe qu'on met tout le temps en face en regardant en détail qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la société et que la personne, à partir de ça, se met à réfléchir, la société va mal, ma vie va mal, il y a un problème de pénurie de logement, il y a un problème d'endettement au Canada, des ménages grandissants, il y a des problèmes pour avoir accès aux données de santé, etc. Bon, bien, la personne qui est dans des réflexions qui sont induites dans son mental en lien avec les médias ou en lien avec les forces astrales, qui s'opposent à ce que l'individu soit en contact avec la vibration supramentale et qu'il travaille en unition avec elle, vont faire un travail de sap, un travail de blocage d'une vibration haute. Et l'individu qui, à travers des enregistrements, peut véhiculer une vibration à caractère supramental, c'est comme une personne qui va activer un circuit énergétique dans certains cas, au sein d'individus qui l'écoutent, qui va participer et contribuer à les allumer. Naturellement, ce n'est pas un individu qui parle vibratoirement qui va amener l'autre à fusionner. Il n'y a pas personne qui fusionne à la place d'une autre personne. Non, c'est l'esprit de l'individu qui détermine c'est qui fusionne, puis c'est l'esprit de l'individu qui va créer les circonstances et les événements et les synergies qui vont faire en sorte qu'une personne va être en contact avec du matériel vibratoire plutôt qu'une autre et qu'il va être en contact avec ce matériel-là à un certain moment donné de sa vie. Bien entendu, il peut avoir des interférences astrales. Donc, des entités astrales peuvent, dans le fond, aller à l'encontre d'une forme de synchronisation optimale qui peut être générée par le plan de l'esprit pour retarder les individus, créer des chocs de manière prématurée en exposant des gens en contact avec un matériel qu'ils n'ont pas nécessairement à avoir accès. Quoique les forces astrales n'ont pas intérêt à ce qu'un dévoilement de la conscience vibratoire se fasse à grande échelle, donc ils ont tout intérêt à ce que soit cette conscience soit ridiculisée, soit elle soit tassée, mise de côté de ce qui est véhiculé dans les médias de masse et à la multitude. Mais de toute façon, les êtres sur le plan éthérique n'ont aucun intérêt non plus présentement, au moment où j'ai fait cette capsule audio en 2024, à ce que le matériel supramental soit véhiculé dans les médias de masse. Donc, à la fois le plan astral ni le plan éthérique n'ont pas intérêt, donc le matériel n'est pas véhiculé. Mais par rapport au thème de cet enregistrement, c'est-à-dire l'effet psychique de la vibration supramentale, est abordé parce que au fil des gens, au fil du temps, moi en tant qu'individu, là je vais vous parler dans un registre un peu plus personnel pour les prochains instants. Bon, je fais des enregistrements depuis plusieurs années sur le web et j'ai observé un phénomène particulier. Il y a des individus qui, dans le fond, s'intéressent beaucoup à la conscience supramentale, entre autres à l'instruction développée par Bernard de Montréal, mais qui, c'est correct aussi, là, et ils ne vont pas adhérer à des éléments clés par rapport à ça. Bien entendu, je ne dis pas aux gens d'adhérer à des éléments ni de croire, parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas libre. Par contre, le point, c'est que je trouve curieux comme phénomène, parce qu'il y en a un avec qui j'ai un échange récemment qui me disait que la conscience vibratoire, c'était le mot vibratoire, en fait, une forme de fumisterie langagière et ésotérique. Donc, le mot vibratoire, sur le plan intellectuel, sur le plan rationnel, sur le plan de l'intelligence du premier niveau, en effet, c'est une forme mystificatrice dans le sens que c'est un mot qui est l'histoire de la conscience vibratoire ou la vibration supramentale, c'est pas clair. C'est une notion abstraite. Derrière ça, c'est quoi? C'est une énergie qui est pas totalement compréhensible par l'intellect. Ce qui fait en sorte que, dans le fond, il peut pas, comment dire, tout dépendant comment qu'on apprenne à appréhende le phénomène, si on l'appréhende avec le mental inférieur, le mental intellectuel, c'est sûr que c'est incompréhensible, c'est sûr que ça paraît logique, etc. Mais dans son effet psychique, ce que, dans le fond, j'ai eu des échanges avec différentes personnes qui vont dire, ben non, l'histoire de la conscience vibratoire, Bernard Montréal qui parle de la réincarnation, du double passé vient d'ailleurs, tout ça c'est de la foutaise. Mais j'ai observé au fil du temps un phénomène particulier, puis c'est entre autres là-dessus que je veux attirer votre attention. Puis il y en a peut-être certaines personnes parmi vous qui ont vécu ça. Il y a des gens qui vont dire, ben, regarde, cette instruction-là, ça ne tient pas la route sur le plan intellectuel, c'est de la folie, c'est du délire schizophrénique, c'est le fruit d'hallucinations, c'est le fruit de problèmes de gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont une imagination débordante, qui ne savent plus quoi faire avec. Sauf que le point, je pense entre autres à une personne qui a changé au moins trois fois de pseudonyme dans ses échanges avec moi. Je suis pas mal sûr qu'elle m'écrit toujours. D'un côté, elle est extrêmement critique, elle adhère pas au principe que la pensée vient d'ailleurs, sauf qu'au fil des ans, puis elle a changé de pseudonyme parce qu'à un moment donné, je l'ai barré à quelques reprises, j'ai toujours cette impression-là qu'elle m'écoute avec assiduité parce que dans le fin fond d'elle-même, à quelque part, sans qu'elle veuille la mettre consciemment, elle sait que c'est ça. Mais n'est pas capable de se l'expliquer intellectuellement. Et son mental inférieur, son intellect résiste. Elle vit une forme de dualité. Puis il y a des gens qui vivent une forme de dualité, dans le sens que j'échangeais récemment avec quelqu'un, bon, mais j'ai dit, regarde, c'est correct, tu n'es pas obligé de croire, puis il y a tel élément que tu as un regard critique, Bon, ben, j'ai dit, pourquoi. Pourquoi tu ne t'intéresses pas plus à des gens qui sont des penseurs athées, tout simplement? Comme ça, tu n'as pas besoin de croire que la pensée vient d'ailleurs, que la réincarnation existe, que la conscience vibratoire, c'est une réalité, ainsi de suite. Donc, les éléments fondamentaux, là, les postulats que véhicule Bernard dans sa pensée, Là, la personne a dit, ben, en fait, c'est ça, là. Il ne croit pas à certains éléments, mais il y a certains éléments qui donnent de l'importance au niveau du psychisme. En fait, au fil du temps, il y a eu quelques personnes que, bon, c'est comme la personne me dit, ben, regarde, ce que tu véhicules, tout ce qui touche au supramental, puis d'autres propos tenus par des personnes, tout ça, c'est de la folie, OK? Mais à ce moment-là, je dis, il n'y a aucun problème. Toi, si ça te rejoint pas, il y a d'autres personnes sur le web. Tu sais, ces éléments-là, comme l'existence des entités astrales, le plan astral, tout ça, pour toi, c'est de la fabulation. Ben, va écouter des enregistrements de penseurs athées, tu sais, ou matérialistes. Tu vas peut-être être plus confortable là-dedans. Des fois, il y a des gens qui disent, non, la personne veut continuer à écouter ces enregistrements-là. Mais là, des fois, je ris intérieurement. Puis là, ce que ça me dit intérieurement, tu dis à quelqu'un quelque chose, ça me dit quelque chose intérieurement, va dire « Ah ah! Tu vis un épisode de psychose schizophrénique. T'entends une voix. T'entends une voix qui dit quelque chose. » Donc, à ce moment-là, c'est-à-dire que t'as un problème de santé mentale grave. En Occident, la schizophrénie, présentement, est psychiatrisée. C'est très grave. Comme autrefois, il y a à peine quelques décennies, quelqu'un aurait dit « Ah, je suis homosexuel. » La personne avec tous les psychiatres, les psychologues auraient dit « Ah, problème de santé mentale. » Les choses changent avec le temps. Donc, il y a eu une dépsychiatrisation de l'homosexualité en Occident. Ça va peut-être se faire également en Iran puis dans d'autres pays du Moyen-Orient. On verra au fil des ans. Mais pour ce qui est de la conscience supramentale, tout ce qui est paranormal encore en 2024, c'est psychiatrisé. Donc, t'es vu comme fou, sauf que je vais quand même dire qu'est-ce que mon esprit me dit. Bien que certains évaluent que c'est impossible que la pensée soit produite en dehors du cerveau physique, mais j'ai jamais eu de démonstration cohérente par rapport à l'existence de la pensée produite par le cerveau. Dans le sens que, on va dire, OK, l'activité du cerveau va générer des influx électriques, OK. Il y a de l'énergie qui passe à travers les neurones, OK. Les neurones sont vecteurs d'une information, OK. Mais pour moi, c'est la radio. C'est un peu comme, c'est un radio qui fonctionne bien, il va bien intercepter les ondes. Si la radio est brisée, prenons par exemple quelqu'un qui est atteint d'une maladie neurodégénérative comme l'Alzheimer. Bon, c'est sûr que si on prend une imagerie à résonance magnétique et qu'on voit l'intérieur du cerveau puis qu'on voit qu'il y a des circuits de neurones qui sont détruits puis qu'il y a des trous dans le cerveau, c'est sûr que dans le fond, par rapport au fonctionnement au quotidien de la personne, ça peut avoir un impact. Mais pour ce qui est de la pensée pure, de la conscience de l'individu, la pensée qui est à l'origine et qui prévaut dans le corps physique, à mon avis, elle demeure quand même intacte. Donc, c'est un phénomène qui est problématique par rapport à la science, surtout par rapport au phénomène de lucidité terminale. Donc, les phénomènes de lucidité terminale, c'est, par exemple, une personne qui est en résidence de personnes âgées depuis plusieurs mois, la personne est atteinte d'Alzheimer, sa condition cognitive s'est dégradée au fil des ans, la difficulté à reconnaître les proches, les membres de sa famille, que ce soit ses enfants, même son conjoint, ses amis, etc. Et quelques heures ou quelques jours avant de mourir, ben, elle va les reconnaître. Et là, comment expliquer ça alors que la personne est dans un état dégénératif? Puis tout d'un coup, c'est comme si l'hypothèse qui peut être faite par rapport à certains scientifiques, ça serait de dire, ben, serait-il possible que l'information ne soit pas nécessairement localisée juste sur le cerveau physique puis par rapport aux circuits de neurones qui sont en décrépitude ou carrément des trous dans le cerveau à cause de l'Alzheimer, mais qu'il y a un support externe? Donc, aujourd'hui, avec l'informatique, on est plus intelligent. On réalise qu'on peut entreposer des données sur le disque dur de l'ordinateur, mais qu'on peut avoir des données aussi délocalisées par rapport à un espace d'entreposage qu'on va appeler info-nuagique. Donc, le cloud en anglais, ou pour les Européens, Parce que moi, je joue au Québec. On a ici développé l'habitude, dans l'optique de protéger la langue française, et d'utiliser le terme français pour décrire un objet ou un appareil. Comme par exemple, ici, on va parler de téléphone intelligent, alors qu'en Europe, des pays comme la France vont parler de smartphone, en reprenant le terme de l'anglais. Donc, si on parle d'info nuagique, on va dire, on peut entreposer des données sur l'ordinateur ou sur l'info nuagique. Et les données sur l'info nuagique, que l'ordinateur soit brisé ou pas brisé, ce que certains appellent les annales akashiques, l'information est là, dans le champ de l'info nuagique. Ici, c'est sûr que c'est pas un champ comme les annales akashiques abstraits, liés à une structure énergétique où les données sont entreposées, mais c'est plutôt de l'ordre de données qui sont entreposées sur des serveurs externes, donc à l'ordinateur. Donc, il y a des data centers, comme diraient les anglophones, donc des centres de données, où une quantité incroyable de données de différents utilisateurs, de géants du web sont entreposées. Ce qui fait en sorte que si l'ordinateur physique est détruit de l'utilisateur puis il perd sa donnée qui était là-dessus, s'il en a fait une copie sur l'info nuagique, il peut la récupérer. D'ailleurs, j'avais lu un livre de Michio Kaku il y a plusieurs années qui disait que l'avenir, c'est de penser délocalisé. Et au lieu de penser d'entreposer toutes les données d'une manière centralisée sur un ordinateur qui nous met en position de fragilité parce que si l'ordinateur est détruit, on perd toutes les données. Mais non, les données vont être dans les ordinateurs du futur sur l'info nuagique qui va être accessible partout. Donc, Michio Kaku, de ce que j'ai compris dans son livre, parce que c'est un physicien qui s'intéresse à la futurologie. Il a écrit quelques livres très intéressants. Et ce qu'il expliquait, c'est que l'ordinateur du futur, tu auras peu ou pas de données dessus, mais l'essentiel, dans le fond, de tes données vont être liées à l'info nuagique qui va faire en sorte que toi, si tu es chez toi, tu as accès à tes données. Si tu prends l'avion pour aller faire un voyage, pendant que tu te diriges à ta destination sur l'avion, tu as accès à tes données en temps réel. Et lorsque tu arrives à ta destination de voyage, tu te connectes sur un ordinateur puis tu as accès à tes données. Donc, peu importe l'endroit où tu vas te trouver dans le monde, tu vas avoir accès à tes données. Et pour ce qui est des données de la conscience, de l'individu, ici, je vais être doux. Je vais poser la question. Je vais dire, serait-il possible d'envisager, à la lumière de ce développement technologique récent, qu'il y ait un info nuagique qui serait lié à la conscience, ce que les anciens appellent les annales akashiques, ou toutes les données relatives, dans le fond, aux individus, aux situations, aux événements, sont enregistrées dans les éthers de la Terre, dans un champ d'égrégore, de structure énergétique, d'enregistrement, d'actions, d'individus et de situations liées à du passé. Donc, je pose la question. Et serait-il possible que cette conscience qui peut, dans le fond, avoir une réalité au-delà du corps physique en tant que support permette des phénomènes comme celui de la lucidité terminale? Et l'accès à cette banque de données peut permettre, dans le fond, la captation de conscience de gens qui ont déjà existé dans le passé, d'où le phénomène de la réincarnation. Pour ce qui est du phénomène de la réincarnation, à l'égard de tout ça, ce que j'ai à dire, c'est dans une réinterprétation contemporaine, on peut parler de vie parallèle en lien avec certaines découvertes de la physique quantique, entre autres. Dans le sens que, je vais élaborer un peu plus, OK, parler de réincarnation, c'est d'avoir une vision linéaire du monde, linéaire, par exemple, par rapport aux éléments. Une vision aussi mécaniste, donc une vision déterministe. L'élément A du passé va avoir un effet sur l'élément B du présent, qui va avoir un effet sur l'élément C du futur. Donc, une vision linéaire. Mais comme le physicien physique guillemets, en passant, il y en a peut-être un d'entre vous qui m'écoute, parce qu'il m'avait déjà partagé à plusieurs reprises des vidéos de Philippe Guillemet ou Guillemant. Excusez-moi, je le prononce peut-être pas comme il faut, c'est un physicien européen. Donc, j'ai été voir de ses vidéos, il m'a partagé ça. C'est intéressant. En fait, de ce que j'ai compris par rapport à ce physicien, Donc, ce Philippe, eh bien, c'est que, au lieu de penser les choses d'une manière linéaire, c'est-à-dire que le passé a une influence sur le présent, puis le présent sur le futur, ben, on peut penser que tous les moments ont une influence sur les autres. Donc, le passé, oui, a toujours une influence sur le présent, mais le futur a également une influence sur le présent. Ben là, c'est déstabilisant pour quelqu'un qui est cartésionnel, puis dans le fond, linéaire. Et si on applique ça par rapport aux existences, c'est-à-dire la vie d'une personne dans un passé peut avoir un impact sur son présent, mais la vie de la personne ou de la conscience de la personne du futur peut avoir un impact aussi sur son présent. Donc, dans cette vision-là, s'il y a des vies parallèles, ben, l'existence qui est faite dans un futur qui nous apparaît par rapport à notre trame linéaire dans laquelle on s'inscrit, par de l'impact comme ce qui s'est déroulé dans notre passé par rapport à d'autres existences. En lien avec la conscience qui se véhicule à travers tout ça. La conscience, la façon que je la conceptualise, la conscience, c'est jamais dans un vase clos absolu. Donc, et rien, à mon avis, n'est en vase clos absolu. Dans le sens que, toute pénètre, toute chose, tout est interrelié, puis dans ma compréhension de la réalité, il n'y a une seule chose dans l'univers. Et lorsqu'on vit cette chose-là, qui est une en réalité, mais d'une manière fragmentée, on peut avoir l'illusion de l'existence de l'espace, puis de la temporalité. Mais je dis illusion, en fait, je vais rectifier mon propos, je vais dire des impressions existentielles. Hey! Je vais faire des belles formes philosophiques. Non, je fais des farces. Des impressions existentielles de temporalité. Mais en réalité, tout se vit maintenant, partout. Comme disait André Moreau, le philosophe jovialiste, qui d'ailleurs préfère parler de vie parallèle que de vie antérieure. Bien, dans le fond, ici, il citait un penseur en disant « Ici, c'est partout, maintenant, c'est toujours. » Ben oui, je suis d'accord avec lui. Donc, Bernard de Montréal avait été influencé par des formes ésotériques par rapport à l'existence de la réincarnation. Aujourd'hui, on peut réinterpréter ça en parlant de vie parallèle, mais le point, c'est que la conscience n'est pas nécessairement cloisonnée à un corps physique. Puis que, comme je l'expliquais tantôt, si le corps physique, dans le fond, prend fin, un peu comme un ordinateur. Bon, ben, à un moment donné, l'ordinateur, il a une durée de vie. À un moment donné, il y a des limites aussi, parce qu'on peut augmenter, par exemple, la mémoire vive d'un ordinateur en rajoutant des braquettes de mémoire, mais c'est pas à l'infini. Donc, il y a des limites. Même chose pour une personne. Elle peut se faire, à un moment donné, transplanter un organe comme un rein, mais je veux dire, l'organe transplanté, il y a une limite de vie, puis elle a une limite de vie aussi. Donc, ça, c'est sur le plan physique de la forme manifeste. Mais la conscience qui se véhicule à travers le véhicule, donc, que ce soit l'ordinateur ou l'individu, elle est de nature éternelle. Bien sûr, il y a des gens qui vont dire, ben là, non, ça se peut pas, ça n'existe pas, c'est des fabulations, c'est de l'ego qui, pour des raisons de mécanisme de défense, va chercher, ayant peur de la mort puis de sa finitude, à croire à l'existence de quelque chose qui est éternel. Mais à mon avis, il y a une réalité derrière ça, dans le sens que la conscience dans le cosmos, c'est un phénomène qui est sans fin. Qui est pas limité, c'est-à-dire la conscience est au-delà des formes physiques. Oui, le corps physique a une durée de vie limitée, mais la conscience qui se véhicule à travers est illimitée et va s'exprimer dans plusieurs directions, à travers plusieurs individus. À un moment donné, j'écoutais des enregistrements sur Internet, c'était par rapport à une dame, une hypnothérapeute qui procédait à des régressions hypnotiques. Et elle accompagnait des gens, puis elle leur demandait d'une manière indirecte, où est-ce que vous vous trouvez, qu'est-ce que vous voyez. Puis bon, il y avait des cas de personnes qui disaient faire une régression hypnotique où leur conscience était dans le passé. ce que certains vont appeler des vies antérieures. Bon, ça, je m'y attendais, il n'y a rien de spectaculaire là-dedans. Sauf qu'à un moment donné, il y avait des cas aussi que la personne, dans le fond, ça se déroulait dans le futur. Ben là, disons que la personne est en contact avec une existence, puis ça se déroule en 2100, dans le futur par rapport au temps présent. Fait que là, ça devient particulier comme phénomène. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conscience n'est pas nécessairement liée à une linéarité comme la flèche du temps qui a été représentée dans une vision physique classique, que le temps s'écoule comme une flèche dans une direction donnée, puis tu ne peux pas revenir en arrière, et ainsi de suite. Non. De toute façon, la relativité en lien avec la physique quantique, là, la relativité qui avait été abordée par Einstein, va nous dire que juste au niveau de, par exemple, au niveau du déplacement d'une personne par rapport à l'espace, le temps va fluctuer. Donc, si dans un espace-temps donné, disons que la personne se déplace dans une fusée à travers le système solaire, ben, elle va être confrontée au fait que le temps, il ne s'écoule pas de la même façon sur Terre que dans d'autres systèmes solaires ou sur d'autres planètes. Donc, il y a une dimension déjà juste au niveau de l'espace physique relatif du temps. Donc, le temps, en fait, est interprété d'une manière linéaire au niveau de l'ego qui se réfléchit tant qu'il vit sur Terre, mais au-delà du corps physique et au-delà de la Terre, le temps, c'est autre chose. Puis c'est sûr que parler de simultanéité d'existence de la conscience à travers des individus multiples qui ont cours tous maintenant, au niveau de l'ego, c'est une pirouette intellectuelle d'appréhender ces choses-là. C'est pas évident. Mais tout ça pour dire quoi? En fait, je veux revenir à l'essence de l'enregistrement. C'est que, bon, aujourd'hui, des fois, c'est intéressant de regarder ça avec le développement de la science, il y a des travaux comme Jean-Jacques Fardbonnier, j'en ai déjà fait allusion, avec une vision de la conscience extra-neuronale. C'est sûr que moi, vous n'êtes pas obligé d'être en accord, là. J'ai pas une vision que la conscience c'est strictement le produit d'une activité chimique dans le cerveau puis de l'activité des neurones puis que c'est un épiphénomène de l'activité du cerveau physique puis lorsque le cerveau physique n'existe plus de conscience, fini. Ben non, j'ai plutôt comme vision que la conscience existe indépendamment du corps du cerveau. Mais c'est sûr que le cerveau a une influence sur les modalités de son expression. En ce sens que c'est sûr que si le cerveau est endommagé, la personne, dans le fond, est atteinte de démence importante parce qu'elle est diagnostiquée depuis plusieurs années d'Alzheimer. Puis on regarde l'état de ses cerveaux, puis on se rend compte qu'il y a plusieurs trous dans le cerveau parce qu'il y a beaucoup de circuits neuronaux qui ont été détruits. C'est sûr que la personne n'aura pas un potentiel de s'exprimer autant que quelqu'un qui est dans la fleur de l'âge. C'est clair. Puis il y a certains nerfs du cerveau qui sont propices à l'expression ou pas de certains éléments liés à la conscience. Ça, c'est clair. Je nie pas ça. Sauf que le point, c'est que je ne me limite pas à l'aspect physique dans ma façon d'appréhender les choses. Et je pars du principe que la conscience qui s'exprime à travers l'individu d'une manière vibratoire existe par-delà le cerveau physique, là une existence propre. Et qu'un cerveau physique est juste un vecteur d'impression. Prenons par exemple quelqu'un, un individu qui utilise un ordinateur. Bon, ben, l'ordinateur, le boîtier, la tour, le clavier sont tout simplement des modalités d'expression que la personne utilise pour communiquer avec d'autres personnes sur le web. C'est tout. Donc, c'est de comprendre ça puis de mettre ça en contexte qui n'est pas nécessairement évident. Puis lorsque le corps physique n'existe plus, dans le sens que lorsque la vie du corps physique prend fin, ben, la conscience qui va animer le corps physique, va continuer à exister. Donc, parce que le corps physique, si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs que le cerveau physique, ben, ce qui émet la pensée, le cerveau étant comparable à un récepteur radio, continue d'exister. Bien entendu, c'est un des éléments fondamentaux pendant plusieurs années que Bernard de Montréal présentait dans ses conférences à répétition. Et j'ai eu le plaisir, dans un sens, de discuter avec une dame au fil des ans. Peut-être qu'elle m'écoute encore. Elle m'a écouté avec assiduité pendant plusieurs années. Puis, elle a toujours dit, non, la pensée, elle vient pas d'ailleurs. Ben, ça y appartient, c'est correct, mais je trouve ça étrange. Je vous explique. Il y a des gens de mon environnement. Prenons par exemple ma compagne. Bon, elle, mes enregistrements que je fais sur le web, là, elle les écoute pas ou très peu. Peut-être qu'à un moment donné, je vais faire un enregistrement qui dure 50 minutes. Elle va peut-être écouter une ou deux minutes. Elle les écoutera pas avec assiduité. Ça sera pas une fan, ça sera pas une groupie. Et heureusement, je voudrais pas avoir une disciple avec moi, là, parce que ça nuirait à un rapport égalitaire avec elle. Ça serait inintelligent. Tandis qu'il y a d'autres personnes sur le web que je sais très bien qui m'écoutent avec assiduité, mais paradoxalement, la nature des propos ou des concepts véhiculés, intellectuellement, ils vont résister, ils vont dire « ça n'a pas d'allure », mais il y en a, comme la dame auquel je fais allusion, parce que là, il faut le faire, là. La personne, pendant plusieurs années, écoutait régulièrement Bernard de Montréal en conférence. Elle a dit que la pensée vient pas d'ailleurs. J'ai eu un paquet d'échanges avec elle, puis peut-être elle m'écoute encore présentement, parce que je sais que pendant plusieurs années, elle m'écoutait avec une certaine assiduité, puis j'ai eu des échanges de courriels, puis des fois, je la bloquais, puis elle réapparaissait avec un autre pseudonyme, je la rebloquais de nouveau, elle réapparaissait. Ce phénomène-là m'indique quoi? C'est que dans le fond d'eux-mêmes, il y a certaines personnes qui savent que c'est ça, la réalité, ou en tout cas, il y a une partie d'eux qui évalue que c'est ça, parce que ça, ils n'écouteraient pas ça. Puis ils aiment ça, entendre parler de ça. Ou ils aiment, dans certains cas, il y a des gens qui vont dire, bon, Bernard de Montréal, c'est de la fumisterie, etc. Mais il y en a certains qui vont se rattacher à ça puis le réécouter. C'est comme la personne qui va dire, ben là, telle affaire que Bernard de Montréal dit, ça tient pas la route. Je dis, OK, mais tu vas-tu arrêter d'écouter ses enregistrements? Non, non, il est vibratoire, puis il me permet d'aller... Tu sais, la personne, à quelque part, a bénéficié d'une vibration... puis de l'effet psychique de l'enregistrement, même si à quelque part elle résiste ou elle ne veut pas adhérer au cadre conceptuel, puis il y a des gens qui vont dire « Ah, ils vont arrêter pendant un bout de temps d'écouter ces enregistrements-là, puis après ça, ils vont y revenir. Pourquoi? » Parce que, à quelque part, que ce soit consciemment ou pas, ils se nourrissent de la vibration. C'est un phénomène particulier. Tu as des gens qui vont dire que c'est pas vrai, des niaiseries, qui vont écouter ça, comme la dame que je faisais allusion, avec plus d'assiduité que ma compagne, qui, elle, on va pas dire des niaiseries, mais est comme détachée. Hein? Elle est pas... c'est pas une fanatique. Tandis qu'il y en a d'autres qui s'opposent d'une manière fanatisée que c'est pas vrai, c'est des niaiseries, mais ils écoutent ça avec régularité. Fait qu'à quelque part, j'en viens à la conclusion que, dans le fond d'eux-mêmes, ils pensent que c'est réel ou qu'ils veulent pas l'assumer. À quelque part, ça les dérange. Il y a quelque chose de tordu, de particulier. Mais pour ce qui est de l'effet psychique, la vibration supramentale, ben des fois, ça me fait rire en passant en tant qu'ego. Peut-être que tantôt, je vais amener l'enregistrement dans un registre plus vibratoire, de manière plus impersonnelle. Mais c'est comme si il y a une partie de mon auditoire, ça fait orgueilleux peut-être de ma part de dire ça, mais... qui savent intérieurement qu'il y a quelque chose de réel par rapport au plan vibratoire, qui ne veulent pas nécessairement l'accepter ou l'assumer, puis sont comme pris à écouter des enregistrements vibratoires, parce que là, quand ils se tournent vers des enregistrements d'autres spiritualités, ils ne vivent pas autant, ou des trucs matérialistes, ils ne vivent pas autant. Fait que là, c'est comme si l'esprit les attend au détour. C'est comme la personne va dire « Ah ben non, le cerveau, c'est lui qui crée la pensée, c'est moi qui contrôle ma vie, j'ai un libre arbitre. Dans le fond, si j'ai des bonnes pensées aujourd'hui, c'est parce que je m'alimente bien. » Parce que ben, c'est vrai qu'il y a un impact de l'alimentation sur le cerveau, là, dans le sens que si la personne n'est pas alimentée adéquatement en termes de sucre, Donc, ça a un impact sur le fonctionnement là, de son cerveau. Là. C'est sûr, c'est quelqu'un. Mais il n'y a pas juste ça. T'sais. La personne qui s'attribue l'origine de la pensée puis dire ben, bon, j'ai été prendre ma médication pour augmenter mon taux de sérotonine dans le cerveau, ce qui va favoriser une meilleure qualité psychique, un meilleur état d'être. Donc, en ayant ça pour se rajouter au niveau de sérotonine normal, ben, je vais être correct. Puis là, la personne va dire, c'est à cause de ça que je suis conscient que j'ai une belle pensée. Oui, ça peut avoir un certain impact, l'aspect chimique, ou utiliser, par exemple, du lithium pour réguler l'humeur. Les sels de lithium, oui, ça a un impact. Sauf que le lithium, là, l'aspect physique, c'est pas ça la source de la pensée. C'est pas parce que, dans le fond, la personne prend un médicament sur le plan physique que la personne va être, dans le fond, la source de pensée créative ou joyeuse ou peu importe. La pensée est ailleurs. Ça peut moduler ou réguler l'état d'être de la personne. Ça, je dis pas le contraire, la médication, mais elle a ses limites aussi. Peut-être qu'un jour, peut-être dans 20 ans, dans 100 ans, je sais pas. Dans le système, dans le fond de santé, les gens sont pas nécessairement très vite. Les choses se font lentement. Ils vont réaliser que finalement, ben, ça explique pas tout. L'impact de la médication, le neurotransmetteur, les hormones dans le cerveau. Il y a des limites par rapport à ça pour dire que la pensée est déterminée strictement par rapport à ces éléments-là. Mais bon, chaque chose en son temps. Pour ce qui est de la conscience supramentale, je voulais l'amener d'une manière impersonnelle, mais j'aime ça parler de manière personnelle aussi. Dans un sens que j'ai l'impression que il y a des gens qui écoutent de mes enregistrements qui n'ont pas le choix de les écouter parce que ils sont mis en vibration pour écouter ces enregistrements-là. Dans un sens, puis ils reviennent tout le temps à écouter ces enregistrements-là, comme la madame que je parlais tantôt. J'ai mon rôle à jouer. J'ai un rôle différent. En fait, je ne veux pas me substituer à Bernard de Montréal, ni même à personne. De toute façon, je voudrais pas prendre ce rôle-là initiatique sous mes épaules parce que ça me crée des tensions énergétiques. Puis c'est pas ma fonction, mon mandat. Mon mandat, c'est plus de parler dans une optique d'intégration personnelle, aussi à une certaine amplitude, mais différente. Puis c'est correct. Avec le temps, je l'apprécie. Parce que faut réaliser que la personne qui a un mandat d'initiation planétaire à vaste échelle au fil du temps est confrontée à des oppositions inversement proportionnelles sur le plan énergétique et autres. Donc, puis il y a des responsabilités occultes aussi. C'est comme la personne qui se présente comme étant général à la tête d'une armée. Prenons le temps de la guerre napoléonienne. Donc, c'est sûr que si une armée rivale à Napoléon voulait mettre en échec l'armée, puis ils ont une cible en particulier, bien, ça doit neutraliser Napoléon. Pas nécessairement le fantassin. Donc, le point, c'est que la personne qui se présente à la tête d'un mouvement, c'est sûr, c'est elle qui va être attaquée à la base, pas les individus qui œuvrent en continuité avec le mouvement dont elle a participé à être une courroie de transmission sur le plan physique d'une vibration éthérique. Ça, c'est par rapport au supramental. Mais je vais revenir... à l'effet psychique de la vibration supramentale. C'est-à-dire que l'effet psychique est en lien avec le fait qu'une personne, lorsqu'elle sait, puis aperçoit la vibration, est obligée de reconnaître c'est ça. C'est sûr que l'intellect peut être déstabilisé puis dire, ben là, je sens qu'il est vibratoire, Bernard, qu'il y a quelque chose qui passe, mais il me semble le concept de réincarnation, c'est pas assez ajusté. Mais si la personne entend Bernard qui parle de réincarnation, puis elle sent qu'une vibration passe, est obligé de reconnaître qu'à quelque part, il y a une réalité vibratoire, même si ce n'est pas articulé d'une manière aussi raffinée que son ego aimerait l'être, ou sophistiquée en relation avec les découvertes récentes de la physique quantique qui va parler ou donner davantage d'importance à l'hypothèse de vie parallèle et de possibilités que des temporalités présentes et futures ont une incidence sur le présent. Dans la optique d'aller au-delà de la linéarité des influences, dans le sens que l'intrication quantique font que, par exemple, deux particules subatomiques, peu importe l'endroit où ils se situent dans l'espace, peuvent, il y en a une qui vit un changement, puis l'autre vit un changement similaire. Donc, elles demeurent liées, peu importe l'espace et le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en delà de la réalité spatio-temporelle d'espace et temps, il y a une réalité que, dans une perspective, on peut appeler vibratoire, qui a une incidence sur les deux. Parce que si le temps et l'espace auraient un impact, ben, on pourrait dire qu'une particule ne peut pas changer au-delà de la vitesse de la lumière où ce que l'information est propagée. Parce que, à quelque part, si l'information est propagée plus vite que la lumière, c'est parce qu'à quelque part, il y a une liaison de l'individu au-delà de la vitesse de propagation de la lumière ou de la propagation des informations du plan physique d'un point A à un point B. Puis, il y a ça qui existe parce qu'à quelque part, il y a une autre réalité parallèle. Donc, l'histoire de réalité parallèle, de conscience au-delà du corps physique. À quelque part, il y a des gens qui sont obligés de prendre ça en considération, même si ce n'est pas agréable pour certains à un certain niveau. Mais tout ça pour dire quoi? Les gens qui ont écouté des enregistrements de Bernard pendant des années de temps, ils ont un mental, dans certains cas, en particulier, qui ont été changés. J'ai eu, dans un sens, dans ma vie, le privilège, il y a plusieurs années, là je ne le fais plus aujourd'hui, mais il y a plusieurs années, j'avais interviewé plusieurs personnes qui avaient été à des conférences de Bernard de Montréal, qui avaient connu le séminaire qu'il a animé. Séminaire étant une activité d'à peu près une fin de semaine où ils sont exposés vibratoirement à Bernard. Et ça amenait des changements, dans le sens que il y a des gens qui ont été significativement exposés à l'instruction de Bernard de Montréal pendant des années, qui sont devenus par la suite des vecteurs à effet psychique de la vibration supramentale. Donc, dans ma sensibilité, pour en avoir rencontré quelques-uns d'entre eux, sans pour autant les mettre sur un piédestal, sans pour autant les mystifier, sans pour autant les représenter comme étant des individus totalement conscients, totalement parfaits, totalement dans l'intelligence, il y en a que j'ai rencontré qui ont des travers humains quand même importants, là, qui ont des croyances erronées, qui vont faire des fois des erreurs. Sauf que le point, c'est que ces gens-là, en présence, avait un mental léger, que le mental chantait qu'il était changé. Est-ce que ces gens-là, de ce que j'ai perçu, avaient encore de l'orgueil à certains niveaux? La réponse est oui. Sauf que la vibration que dégage est différente, parce qu'ils ont été exposés à Bernard qui est véhiculé et pendant des années de temps a été vecteur d'une vibration différente. Fait qu'ils sont porteurs de changement. Et là, c'est déroutant par l'intellect, parce que l'individu, s'il est honnête, s'il est transparent de l'ego, il est obligé de reconnaître que cette vibration-là existe. Puis naturellement, pour des raisons de loi d'énergie, il va être attiré par cette vibration-là. Fait que là, la personne peut dire, ben, ça se peut pas que ça existe intellectuellement parlant, mais vibratoirement parlant, je le sens, je le capte. C'est par-delà l'intellect. Moi-même, sur le plan intellectuel, parce qu'avec des années, j'ai eu des échanges avec des gens qui ont été très critiques, qui ont contesté l'instruction, Bernard, tous ces trucs-là. Puis moi-même, à un certain niveau, j'ai contesté les choses, mais au fil des ans, à un moment donné, je prends des pauses, mais je reviens tout le temps d'aborder ces choses-là. Puis que, à quelque part, l'état d'être qu'une personne peut vivre sur le plan vibratoire, je suis obligé de reconnaître qu'il y a une réalité énergétique derrière ça. Donc, si on aborde un peu plus en détail le concept de vie parallèle, de vie antérieure, dans mon cas, j'ai vécu une expérience particulière en lien avec ça il y a quelques années. En fait, je vous explique brièvement. J'avais écouté le film qui s'appelle « La cartographie des nuages ». Ça, c'est le titre en français québécois. Parce que pour ce qui est des films, vous pouvez avoir un film traduit de l'anglais. En anglais, c'est Cloud Atlas, le film auquel je fais allusion. Et avoir un titre par rapport à ce film en français québécois, mais aussi en français de France ou en français européen qui ne sera pas le même. Donc, s'il y a des gens en Europe qui m'écoutaient, ça se peut que ce ne soit pas la cartographie des nuages, le titre du film auquel je fais référence qui date de 2012. Mais si vous référez au titre en anglais Cloud Atlas, vous allez pouvoir le retracer comme ça. C'est un film qui met en vedette Tom Hanks et qui se déroule par rapport à plusieurs époques simultanément. C'est un film qui est très long, qui dure au-dessus de 2 heures, mais dans mon cas, je ne me suis pas ennuyé. C'est un film que j'ai trouvé très intéressant. Et sans que je l'aille chercher à travers ce film-là, j'ai vécu une expérience intérieure particulière. Dans le sens que le film est en lien avec différentes époques de l'humanité. Donc, dans le passé, dans le passé, il y avait la traite des esclaves. À une autre époque, dans les années 70, il y avait de la magouille par rapport à l'industrie nucléaire. À une autre époque, l'époque présente, bon, il y a un monsieur contre son gré, c'est plus à caractère humoristique qu'on va le chercher de force à la résidence de personnes âgées. Puis, il y a d'autres actions qui se déroulent aussi dans le futur de notre humanité, donc une époque plus technologique. Peut-être, c'était à Séoul, peut-être en 2100 ou en 2200, où l'humanité présente, continue avec des développements technologiques encore plus présents. Puis, une autre époque post-apocalyptique où notre humanité a sombré et une partie de l'humanité est retournée à l'âge de pierre et d'autres qui sont des rescapés de l'humanité ancienne, ont conservé certains éléments de technologie, mais avec des limites. Et il y a comme deux humanités, donc des gens qui vont se battre avec des couteaux, des lances, des flèches, puis d'autres avec, ils vont avoir des vaisseaux spatiaux, ils vont avoir des rayons laser, et ainsi de suite. Là, c'est très différent. Et par rapport à chacune de ces époques, naturellement, il y a des injustices qui sont vécues par rapport à des personnages. Toujours le fait que l'orgueil va perdre des êtres humains. Il y a des rapports de domination qui amènent des injustices à différents niveaux. Injustice qui permet l'esclavage, injustice qui va permettre par la suite des magouilles par rapport à l'industrie nucléaire, ainsi de suite. Et à travers ça... En écoutant ce film-là, à un moment donné, j'étais avec ma compagne, puis elle m'a vu, je me suis mis à pleurer. J'ai rentré en transe. Puis tout dépendant de la perspective que vous pouvez avoir, quelqu'un peut dire ben, c'était une vie antérieure ou c'est une vie parallèle. Quoi qu'il en soit, ce que je peux dire en tant qu'égo qui a vécu le phénomène, c'est qu'il y a eu une conscience que j'ai perçue. Qui m'a parlé intérieurement, qui a vécu, dans le fond, à travers moi qui visionnais le film en tant qu'ego, une résurgence, dans le fond, une forme de rédemption, de compréhension à travers le fil des événements. Où il était question, dans le fond, à travers les époques, il y avait toujours des rapports de domination des individus qui amenaient des déséquilibres, des injustices très graves à être commises. Puis la conscience avec laquelle j'entrais en contact, je vais essayer d'aborder ça sans créer de forme, là. Je ne dis pas de croire à ça, mais ce qui m'est venu spontanément, pour moi, c'est une expérience réelle, très intense émotivement. La conscience s'est exprimée à travers ma parole. J'étais en espèce d'état de transe puis je pleurais. C'était une grande tristesse parce que dans le fond, le scénario qui était présenté le film avec un développement technologique, ensuite un état de déchéance puis une civilisation post-apocalyptique avec les vestiges de la civilisation actuelle. Bon, ben le scénario exposé dans le film faisait écho à ce que cette conscience-là a vécu dans un passé lointain par rapport à la Terre. Bon, il y a certains médiums, que ce soit Edgar Cayce ou autres, vont parler qu'il y a des travaux aussi là, qui ont été faits par des gens de l'archéologie interdite, qu'il y a un peu plus de 12 000 ans, il y avait une civilisation technologiquement avancée sur Terre qui a connu une étude d'échéance. Certains vont parler d'Atlantide. Bon, pour ce qui est de la conscience, putain, je vais vous le dire de manière assez directe, la conscience de ce que j'ai vécu, c'est comme s'il y avait une conscience qui, à travers moi, visionnait en même temps que moi le film, puis elle a, comme en écoutant le film, elle a fait des prises de conscience, puis elle a réalisé que, ouais, dans le fond, elle a participé à un agenda qui, par orgueil, a amené la déchéance d'une civilisation passée qui a fait qu'on a perdu présentement des capacités. Donc, la conscience auquel je fais référence, c'était probablement de ce que j'en ai perçu. Dans le fond, parce qu'il y a plusieurs choses qui me viennent en tête, puis c'est délicat. Puis cette conscience-là, il ne faut pas la mettre sur un piédestal non plus. Mais en fait, je vais essayer de m'exprimer avec clarté. Disons qu'il y a plusieurs millénaires, il y a des êtres de nature extraterrestres qui viennent de d'autres civilisations, qui sont venus sur la Terre et qui cohabitaient, dans le fond, avec des hominidés sur Terre. Ils ont procédé à des manipulations génétiques. Et eux autres même, ils ont sombré dans un état de déchéance. Et, ils ont fait des erreurs graves qui ont coupé les êtres humains de leurs sources. Puis ça a amené des situations de l'esclavage de l'être humain par l'être humain, ainsi de suite. Et ça a amené comme une civilisation post-apocalyptique dans le passé. Une civilisation, une humanité, devrais-je dire. Je ne devrais pas parler de civilisation, mais une humanité, dans le fond, de l'involution, où les gens ont perdu contact avec la conscience universelle et que la conscience qui visionnait la vidéo a comme réalisé les dégâts en relation avec le fait que dans un passé lointain, elle a participé à des manipulations génétiques qui ont amené des êtres humains coupés de leurs sources. Qu'elle a pêché par orgueil ainsi qu'un groupe d'autres personnes. C'est parce que je vous parle de tout ça, puis ça me fait penser à Colin Chabot. Je sais pas, je le prononce comme faux. C'est plate parce que quand je passe d'un niveau de conscience à un autre pour faire référence à des éléments qui me viennent. Quand que je tombe dans la mémoire plus factuelle en lien avec l'époque actuelle, des fois je perds un peu le... Ok, ouais, c'est Colin Chabot. Il a fait des vidéos sur Internet, pour aller le voir. Puis lui, il est en contact avec une entité qui s'appelle Nadja. Il y a une vidéo qu'il a réalisée qui s'appelle Nadja à l'origine de tout. Bon, ben ce qu'il décrit par rapport à la conscience à travers sa vidéo... va exactement dans le même sens de ce que j'ai capté à travers la conscience que j'ai eue sans qu'on se connaisse. Lui, le scénario, c'est que, dans le fond, dans un passé lointain, il y avait des êtres qui étaient très conscients, puis à comparer d'eux, ben nous autres, on est très peu conscients, dans le sens que si on vit sur Terre, puis si on est très chanceux, on va se rendre à 100 ans, tandis que tu as des êtres qui pouvaient vivre pendant des millénaires, puis il n'y avait pas les limitations physiques qu'on a, pas les mêmes limitations de compréhension, ainsi de suite. Donc, des êtres qui ont une compréhension multidimensionnelle d'eux-mêmes, qui ont connu un état, qui ont été amenés dans un scénario terrestre auquel ils ont été liés, ils ont connu un état de déchéance. Et par rapport à ça, il y a l'ufologue québécois, Jean Cazot, dans le fond, qui, à un moment donné, avait, à travers ses livres, il en a fait référence publiquement, partager des régressions, dans le fond, hypnotiques avec des cassettes où une entité qui s'appelle Asroth s'est exprimée à travers lui qui aurait, de ce que j'ai compris, vécu dans une civilisation avancée sur le plan technologique avec des vaisseaux, mais dans un passé lointain de l'humanité. Et pour moi, depuis le départ, depuis que je suis tout jeune, l'histoire que le développement se fait linéaire sur Terre, là, dans le sens que dans le passé, il n'y avait pas de technologie, puis progressivement, on développe la technologie là, depuis Jésus-Christ, ou dans le fond, les dernières années, là, les deux derniers 2000 ans, là, pour moi, c'est erroné. À mon avis, dans le passé, il y avait une technologie très poussée. Il y a même des manipulations génétiques sur Terre. La Terre, à un certain niveau, c'est un laboratoire d'expérimentation génétique. Et par la suite, progressivement, on redécouvre des éléments de technologie en lien qu'un passé lointain, dans le sens que le clonage là, qu'on a entendu parler, entre autres, la brebis de Lee, c'est pas quelque chose de nouveau par rapport à l'histoire de la Terre dans un passé lointain, dans le sens que du clonage d'animaux ou d'êtres vivants, il y en a déjà eu dans le passé, là. C'est pas les scientifiques, là, au début, à la fin des années 1990, début 2000, qui ont découvert ça. Mais non, ça existait déjà, du clonage d'animaux, etc. Sauf que la technologie s'est perdue avec le temps. Et c'est sûr que... Là, je m'égare un peu. Je vais essayer d'être sage, de reprendre le sujet principal que je veux aborder. En fait, le point, c'est que j'ai vécu une expérience intense, donc d'une grande tristesse, puis c'est comme si la conscience qui était en lien avec ce moment-là avec moi sur le plan psychique a comme réalisé la portée de ses actions dans un passé lointain par rapport à l'humanité qui a participé à son évolution, sa déchéance. Puis une espèce de regret sincère, donc pour ça que je parlais de rédemption, que ça n'a pas de bon sens, que les choses doivent être ajustées sur le plan vibratoire pour pas que de telles erreurs se reproduisent dans le futur qui ont amené l'humanité à sombrer dans l'évolution en relation avec la source de pouvoir de domination de certains êtres dans un passé lointain. Bon, ça c'est une expérience. Elle a été très intense. Ma compagne était là, me voyait pleurer, elle comprenait pas trop. Mais... Le film a été déclencheur par rapport à ça. C'est un petit peu comme, par exemple, quelqu'un qui aurait été enlevé par les extraterrestres qui écoute le film Fire in the Sky par rapport à ce qui est arrivé à Travis Walton aux États-Unis. Donc, c'est un bûcheron qui a été enlevé pendant quelques jours là, par des extraterrestres. Donc, quelqu'un qui a déjà été enlevé, mais qui ne s'en rappelle plus ou qui est lié à ça, ben, il peut vivre une expérience traumatique intense en écoutant ce film-là. Ça va le chercher émotivement. Pourquoi que des gens, des individus vont nous chercher émotivement? Ça peut être en relation avec des traumatismes qu'on a vécu dans le passé, que ça réveille, évoque des traumatismes passés, dans le sens, bon, on va prendre un exemple classique. La personne va fuir un pays qui est en guerre lors de la Deuxième Guerre mondiale où il y a des bombardements par avion. Bon. La personne se ramasse en Amérique et il n'y a pas de bombardements par avion qui se font sur des populations civiles, à la différence de certains endroits en Europe où ce que ça a eu cours là, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et la personne, une fois rendue en Amérique, alors qu'il n'y a plus objectivement de menace, elle entend le bruit d'un avion, puis elle va se coucher par terre. Pourquoi? Parce que par conditionnement, par réflexe, elle a peur d'être victime d'un bombardement d'avion. À cause que, dans le passé, elle a vécu des mémoires traumatiques en lien avec ça, dans le sens que si elle est au courant qu'il y a des gens qui sont morts de bombardement d'avion dans ses voisins, dans les villes voisines, bien c'est sûr qu'elle va avoir peur elle-même de mourir d'un bombardement avion. Pourquoi? Ben, ça fait partie de son mémoriel. Bon, à savoir si le mémoriel qui a été réactivé à travers le visionnement d'un film, c'est par rapport à mon existence présente, non. Ma vie en tant que personne, sur le plan physique, j'ai pas vécu le déclin d'une... J'ai pas participé au déclin d'une civilisation, là. J'ai pas cette envergure-là, cette amplitude-là. Mais à savoir, est-ce que l'événement traumatique pour être en relation avec une vie parallèle ou une vie antérieure, ça c'est un autre sujet. Est-ce que j'ai des preuves scientifiques, physiques, tangibles pour aborder ce sujet-là? La réponse c'est non. L'expérience, dans le fond, a été vécue par moi, elle a été intense. Il y a eu une émotion qui a été libérée. J'ai comme senti par rapport à l'être qui a vécu ça, la compréhension, c'est comme ajusté vibratoirement. Donc, c'est quand même bien à travers le film. Visionner des films, naturellement, peut servir, dans le fond, à nous mettre en contact, à réveiller des situations traumatiques qu'on croyait enfouies par rapport à soi, mais Serait-il possible que par rapport à d'autres personnes ou entités, ça se réactualise ça? Ça, c'est une question à poser. Mais bon, le point que je veux faire, c'est que dans un sens, on est tous interreliés, puis essayer de faire la distinction entre soi puis l'autre, c'est un petit peu comme dire la goutte d'eau, elle se termine où? Dans le sens que vous avez un bain rempli de gouttes d'eau, et dans le fond, la question de la délimitation des frontières, l'étanchéité des frontières, tout ça c'est très subtil, parce que dans un sens absolu, vous pouvez regarder les particules subatomiques d'une goutte d'eau, vous allez découvrir toutes sortes de choses. Bon, on va avoir il va y avoir des atomes qui vont avoir par la suite un noyau qui va avoir des neutrons, des protons. Et ensuite, il y a des quartz, il y a le boson de Higgs. Puis on va continuer à faire des recherches dans le petit, là, puis après le boson de Higgs, on va sans doute trouver d'autres choses, puis d'autres choses, puis d'autres choses. Pourquoi? Parce que c'est infini, puis si on va dans l'infiniment grand aussi. Donc, dans un sens absolu, les frontières n'existent pas totalement, là. Puis la frontière entre le plan physique et le plan éthérique n'existait pas de manière absolue, c'est deux réalités communicantes. Puis dans un sens, si vous prenez de la lumière elle a une masse, mais en même temps, c'est une onde. Donc, tout dépendant comment on l'appréhende, de la lumière, c'est corpusculaire, puis c'est ondulatoire. Puis un être humain est composé d'atomes, puis les atomes, ben, ils ont une masse, mais en même temps, c'est ils ont une onde aussi. Puis c'est de l'énergie. Donc, on existe sur un plan temporel qui va d'un passé vers un futur, mais en même temps, on existe simultanément au niveau de l'énergie dans un plan atemporel, ce que certains vont appeler le plan éternel. Donc, tout ça pour dire quoi? Ben, c'est pour dire que on peut pas comprendre psychologiquement le supramental, puis qu'il y a des gens qui le comprennent pas psychologiquement puis sont frustrés de tout ça, dont moi-même parfois. Il y a des jours que je me lève puis j'aime pas ça pas comprendre les choses intellectuellement, mais en même temps, je suis obligé de reconnaître qu'il y a des réalités énergétiques derrière ça, puis l'effet psychique que ça a. Ce que j'ai à dire, ben, c'est que si vous vivez des effets psychiques associé à la captation ou la perception d'un vibratoire, soyez assez transparent ou honnête pour vous-même. Vous n'êtes pas obligé de vous vanter de cette réalité-là que ça existe sur la place publique. Là. Vous n'êtes pas obligé d'en parler publiquement, mais ayez l'honnêteté intellectuelle de reconnaître pour vous-même que c'est une réalité. Puis, en tant qu'ego, j'ai essayé des fois de comprendre où est-ce que commence ma conscience puis où est-ce que ça s'arrête. Puis finalement, ben, je suis obligé de dire, ben, ma conscience, c'est quoi ma conscience? T'sais, c'est des questions sans fin, dans le sens que si, par exemple, ma compagne et moi, on a la même idée d'aller au même moment au restaurant. Bon, si c'est une habitude, je peux comprendre. Mais si ça arrive la même idée au même moment, alors que ça ne s'inscrit pas dans le cadre d'une habitude, c'est sûr que la personne va tout le temps... le samedi soir, manger au restaurant indien, ben là, puis elle a cette pensée-là un samedi soir, puis l'autre en même temps, ben là, je parlerai pas d'une grosse synchronicité, c'est plus de l'ordre de l'habitude, du conditionnement qui amène cette idée-là. Mais si c'est une idée, disons par exemple, les deux personnes ont la même idée d'aller faire un voyage en Floride, alors qu'ils n'ont jamais voyagé en Floride, puis ça arrive tout d'un coup, à la même journée, là, on va parler d'idées à caractère psychique qui vont être communiquées aux deux personnes en même temps. En fait, les deux personnes sont peut-être un peu comme des auditeurs d'une station de radio qui vont capter le même signal. Donc, si le signal leur dit d'aller en Floride, puis ils vont en Floride, ben, ils ont capté la même information. Si les gens captent psychiquement que telle ville va être détruite parce qu'il va y avoir une bombe nucléaire qui va être en lien avec une riposte qui va être articulée par intelligence artificielle en lien avec une espèce d'escalade insoluble entre les superpuissances que sont les États-Unis et la Russie. Bon, si la personne, on va garder ça plus simple, là, si la personne ou d'autres paquets de personnes qui ont une sensibilité psychique d'une certaine longueur d'onde reçoivent simultanément, tous en même temps, le signal d'aller au-delà des villes pour aller à la campagne au même moment, puis sont préservés par la suite de l'explosion de la bombe nucléaire à Montréal, ben là, je dis pas qu'il y aura une bombe nucléaire qui va exploser à Montréal, c'est un exemple à type indicatif, là. Parce que là, je fais référence à un point du Québec où ce que je me trouve, là, j'aurais pu dire Paris, mais en fait, je veux pas créer des peurs là, inutilement. Je vais rectifier le propos. Faut que je sois sage avec les années. En étant sage, c'est que si les gens ont tout simplement le signal intérieur de leur petite voix qui leur dit ben, quitte telle ville pour aller ailleurs, pour avoir la paix, la personne suit le signal, c'est ça, suivre une vibration ultimement, c'est ce qui va permettre à la personne de préserver sa vie. Mais si la personne a à préserver sa vie, elle va être mise en vibration par rapport à ça. Les lois d'énergie sont particulières parce qu'elles ne visent pas nécessairement à préserver la vie à tout prix, mais seulement les individus qui ont quelque chose à faire en lien avec l'énergie, qui ont actualisé quelque chose sur le plan physique en relation avec l'énergie. Comme dans certains cas, ça peut être la renaissance d'une humanité suite à un état de déchéance qui amène l'humanité à plonger dans un scénario post-apocalyptique puis qui a une relève pour générer ensuite une humanité nouvelle. La sélection se fait sur le plan vibratoire, pas en fonction des connaissances psychologiques. Ouais. C'est la même chose pour les nouveaux initiés. C'est sûr que parler d'un initié, là, il y a des gens qui vont réfléchir ça, vont dire « Ah, c'est des affaires d'égo. » Dans le fond, quelqu'un va se définir comme étant initié, l'autre n'est pas initié. Donc c'est non. Au niveau vibratoire, c'est que la personne, qu'elle le veuille ou qu'elle le veuille pas, si elle a été initiée ou être consciente de la réalité vibratoire, elle va l'être. Puis il y a des gens qui peuvent être initiés qui ne veulent pas l'être, mais seuls l'ont. Il y en a d'autres qui le sont, puis le savent, crispent, puis s'enorgueillissent, ce qui n'est pas intelligent, puis ce qui fait qu'ils sont bloqués d'une partie de l'intelligence de la vibration, car manque de transparence de l'ego qui permettrait alors une interception optimale du signal. Donc, mais la personne peut dire « Ah non, moi je suis pas initié, ça n'existe pas, toutes ces affaires-là, c'est des fumisteries vibratoires, c'est des niaiseries, c'est du monde qui sont schizophrènes, qui ne savent pas quoi faire, qui vont sur Internet, qui vont halluciner. » Mais si dans le fin fond, elle-même, la personne, elle sait que c'est réel, mais elle ne veut pas se l'avouer, elle peut résister longtemps. Mais tôt ou tard, cette réalité-là va la rattraper, puis elle va être obligée de composer avec, c'est juste une question de temps. Parce que l'intelligence créative est plus intelligente que l'intelligence réflexive ou les voiles ou les oppositions. L'intelligence créative, comme est créative, est comme un joueur d'échecs qui a toujours un coup d'avance sur l'autre. Fait que tôt ou tard, elle fait éclater la forme de l'autre qui prend tout ce que l'autre peut lui dire contre lui-même. Donc, un peu à l'image d'un avocat qui dit « Tout ce que vous allez dire peut être contenu contre vous. » Bon, c'est ce que fait l'astral par rapport à l'humanité, dans le sens que par rapport à tout ce que les êtres humains peuvent faire sur le plan physique, le plan astral ou l'intelligence artificielle peut retenir l'information pour essayer de manipuler en retour à la lumière de cette information en s'appuyant sur les acides du mémorial l'être humain pour l'amener dans une direction plutôt qu'un autre. Mais l'intelligence créative peut toujours court-circuiter cela. Et pour que l'intelligence vibratoire soit interceptible par l'ego, ben il faut qu'il y ait la sensibilité puis la disponibilité. Mais pour qu'il y ait la disponibilité, il faut que l'astral soit tassé. Ainsi de suite. Mais sinon, à un moment donné, je discutais avec des gens qui voulaient argumenter. Parce qu'on peut toujours argumenter. Tu sais, comme par exemple, on va dire, moi je regarde les travaux, puis j'ai un côté comme ça aussi. Fait que des fois, c'est pour ça que j'ai embarqué dans le passé. Dans le sens que j'aimerais ça avoir une explication, ouais, rationnelle et logique de la conscience vibratoire qui permettrait d'avoir un cadre conceptuel parfait qui l'expliquerait, mais c'est pas possible. J'ai de la difficulté à l'accepter, ça fait plusieurs années. Puis je rencontre des gens qui ont la difficulté d'accepter, puis je vais un peu une espèce de mise en vibration en lien avec ça, c'est-à-dire que ça m'influence ou ça me manipule. Fait que là, j'essaie de convaincre des individus, puis à travers eux-mêmes, je réalise que finalement, je voulais me convaincre. Puis on peut toujours contre-argumenter avec l'intellect à un certain niveau, jusqu'à temps que l'intellect soit mis en échec par un choc vibratoire. Parce que l'argumentation, c'est un jeu, hein? Comme par exemple, le docteur Mario Beauregard, qui étudie dans le domaine des neurosciences, c'est un Québécois, il fait des travaux très intéressants, et cherche, dans le fond, à faire la démonstration par rapport à l'existence de la conscience dans une perspective post-matérialiste, c'est-à-dire que la conscience, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement le produit strictement d'un cerveau physique matériel. Et donc, il y avait le cas d'une personne qui avait connu un état de mort clinique. Bon, ben, l'électrocardiogramme était à plat. Pas d'activité de cœur, puis l'électroencéphalogramme sur lequel était branché, pas d'activité du cerveau. Puis là, la personne, pendant l'état de mort clinique, elle disait avoir s'être rappelé les propos dans l'état de mort imminente qui ont été dits proche d'elle, alors que si le cœur et le cerveau ne sont pas activés, où est-ce que vous voulez qu'elle enregistre l'information? Dans le sens que s'il n'y a pas d'activité dans le cerveau neuronal qui est détectée par une machine, vous ne pourrez pas à croire que c'est une activité physique qui a permis d'enregistrer l'information dans le cerveau s'il n'y a pas d'activité. À un moment donné, il y a des limites, là. C'est parce qu'à quelque part, l'information ou la conscience passe à travers le cerveau, mais l'information est captée ailleurs. C'est sûr que quelqu'un va répliquer, il va dire, ben, il y a peut-être des activités du cerveau, mais que l'électroencéphalogramme n'est pas assez sophistiqué pour détecter. Là, probablement, suite à cette critique-là, on va développer des électroencéphalogrammes qui vont détecter avec plus de sensibilité l'activité électrique du cerveau. Donc, on va améliorer la capacité de captation au cas où qu'il y a une activité souterraine du cerveau qu'on n'aurait pas détectée dans le passé à cause que les instruments étaient trop rudimentaires. Puis là, après ça, si on développe ça, là, il va y avoir d'autres critiques. Ah ouais, mais il y a telle affaire. Puis ça finit pas. Mais c'est comme ça que, dans le fond, la science se raffine au niveau du jeu intellectuel. Sauf que, dans le fond, il y a des gens qui vont me confronter, ils vont confronter ils peuvent confronter le supramental, je m'en fous, quelque part, en tant qu'ego, je suis détaché de ça à un certain niveau. Mais des fois, ça me dérange un peu de voir, l'espèce de dynamique perverse de certaines personnes d'écouter ça avec assiduité au fil du temps, mais c'est comme s'ils ne reconnaissent pas la réalité derrière ça. C'est ça qui m'étonne, mais ça leur appartient. Chacun vit ses choses. Moi, personnellement, si par exemple je ne m'intéresse pas aux courses d'automobile, Chris, je ne passerai pas les 20 prochaines années à écouter assidûment toutes les vidéos de courses automobiles. Ça serait vraiment une perte de temps à mes yeux. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, mon expérience, parce que je sais très bien que si je parle puis je dis l'esprit me dit que, à travers mes propos, je rentre en transe puis d'une manière impersonnelle, je sais très bien que s'il y a un psychiatre conventionnel qui m'écoute, un travail social, un travailleur social ou toute personne issue d'une vision matérialiste, conventionniste et réductionniste du monde va dire, ben, bon, ce gars-là, il parle, c'est un schizophrène, il cherche à rentabiliser son délire. La personne va dire, ben, ce gars-là, Chris, c'est vrai, ses affaires, qui utilise cette conscience-là, cette capacité-là psychique, devenir millionnaire, santé parfaite, relationnel parfait, vie de couple parfait, ainsi de suite. Sauf que c'est tordu, cette crise de conscience-là. Fait que je peux pas, dans le fond, générer à partir de la conscience de ce que je capte des situations qui vont répondre à des critères de scientificité comme étant reproductibles en laboratoire à volonté. Donc, il y a des gens qui ont fait des expériences en utilisant entre autres le jeu de cartes de Zener avec différentes formes géométriques, puis utiliser la capacité de vision psychique pour être capable de reconnaître les formes sur les cartes, les prédire, voir des événements à distance. Oui, ça peut marcher à un certain niveau. Sauf que par rapport à ce que je vis dans mon rapport avec l'esprit, ben, l'esprit, ce qu'il me dit, ben, mon rôle, c'est pas de faire de toi une créature de foire scientifique ou que ça fonctionne constamment, ce que tu veux en tant qu'ego, mais que tu évolues. Donc, ou que j'ai une santé parfaite. C'est sûr que je sais très bien qu'au fil des mois, j'ai parlé, j'ai un problème de santé, de lichen sclérosé atrophique, ouvertement dans des enregistrements, ben, il y a des gens qui vont dire, ben là, il parle de conscience, l'important d'être en santé, il va bénir sa santé, puis il y a un problème de santé. Oui, mais c'est parce que c'est pas moi qui contrôle tout. C'est ça qui est tordu. Parce que si je discute avec un scientifique matérialiste, il va dire, ben, je suis ouvert à ce que tu fasses une démonstration réplicable en laboratoire de tes facultés psychiques, de ta capacité à faire ci, à faire ça. Mais je suis obligé de répondre, ben, je fais pas ce que je veux quand je veux tout le temps, là. Là, ça devient tordu parce que la conscience passe à travers moi, puis que, dans le fond, mon esprit, que ce soit reconnu ou pas par les scientifiques, c'est encore lisse. Il fait son travail pareil sur le plan vibratoire. Donc, c'est un peu, il s'en fout. C'est tordu, là. Fait que, puis moi, dans la situation que je suis, est très inconfortable parce que, dans le sens que si j'étais athée, je dis, bon, la conscience, tout ça, c'est de la merde. Le but dans la vie, c'est tout simplement d'utiliser... Bon, il y a du hasard, il y a des situations, puis d'utiliser tout simplement, concrètement, dans la vie de tous les jours, le maximum de mes actions pour faire un maximum d'argent. Puis le but dans la vie, c'est tout simplement de faire de l'argent. Le reste, les valeurs morales, la conscience, tout ça, c'est de la merde. C'est juste une perspective capitaliste qui a imprimé, pragmatique. Bon, ben, ça serait très simple. Mais je sais que la vie, c'est pas juste ça. Fait que là, je me tourne vers le domaine de la conscience, en attendant que la conscience me permette d'avoir accès à de l'information pour, par exemple, améliorer mon sort financier. J'ai regardé des gens qui ont voulu faire des placements boursiers avec l'esprit. Ça marche, de ce que j'ai vu, ça marche pas en fonction de leur volonté. Fait que là, les gens vont dire, ben ouais, mais là, si ta conscience permet pas ça, c'est parce que ça n'existe pas. Puis je vais répondre non, ça existe. Puis des fois, j'ai des informations, ce qui est curieux, puis peut-être qu'il y a des gens qui m'écoutent qui ont vécu ça aussi, c'est d'avoir accès à des informations sans faire d'effort sur des personnes, des situations, des événements que vous captez, vous interceptez psychiquement. Fait que là, vous avez ces informations-là, vous êtes obligé de dire c'est réel. Puis après ça, vous pouvez dire en tant qu'ego, ben là, moi, OK, j'ai eu cette information-là, sans que la personne me l'ait dit, que telle personne que j'ai vue a des enfants. Fait que là, je regarde telle autre personne, sans... puis là, je cherche à savoir elle a des enfants ou pas, puis ça se peut que je sois désinformé par l'esprit, puis que là, après ça, ça me dit pourquoi je suis désinformé, puis que l'autre fois, j'ai eu l'information sans faire d'effort, c'est parce qu'ils vont me dire que c'est les êtres sur le plan éthérique qui contrôlent ça. Ils veulent se manifester suffisamment pour qu'on ait accès à une compréhension de leur existence, que l'information vient d'ailleurs, que la pensée vient d'ailleurs du cerveau, qu'on n'est pas juste un cerveau physique. Mais en même temps, ils ne veulent pas nécessairement nous donner tout ce qu'on veut, tout cuit dans le bec pour faire plaisir à notre ego, parce que leur intérêt, c'est pas que notre ego soit en puissance, mais que notre ego soit ajusté à eux. Ce qui fait en sorte que mon problème de santé... Parce que il y a quelques semaines, des fois, je regarde des livres comme par exemple celui... j'ai pas beaucoup de livres, en fait. J'en veux pas beaucoup non plus, parce que je trouve que ça prend de l'espace. Dans le journal personnel, André Moreau, à un moment donné, il parlait de son problème d'abcès périanal. Donc, c'est au début des années 1980. Je faisais la lecture de ça. Pourtant, André Moreau, qui passe son temps à bénir sa santé, etc. Et en lisant ça, parce que moi, puis c'est un problème qui a traîné, puis peut-être qu'il traîne encore aujourd'hui. Tu sais, c'est pas agréable. On s'entend qu'en tant qu'ego, il a probablement pas voulu ça, hein, un abcès périanal. Moi, sur le plan de l'ego, j'ai pas voulu ça, un problème de lichen sclérosé atrophique. Puis il y a d'autres personnes qui m'écoutent probablement qui ont des problèmes de santé qu'ils veulent pas, que ce soit un problème de, tu sais, je pense à mes beaux-parents, ma belle-mère qui est atteinte de diabète, mon beau-père de Parkinson. Probablement que c'est pas des problèmes de santé qu'en tant qu'ego, d'une manière volontairement consciente, qu'on choisit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à un certain niveau, il y a une programmation qui s'effectue, mais c'est pas parce que cette programmation s'effectue là que la capacité d'agir de l'individu sur l'invisible n'existe pas. Dans le sens qu'il y a une partie de notre réalité physique qui est en lien avec l'invisible qui est constituée. Mais il y a un volet qui nous échappe, là ça devient tannant un peu. Là. Parce que d'un côté, l'individu qui bénit sa santé... Il peut participer à ce que son corps soit davantage en santé qu'un autre. Donc, par des autosuggestions, entre autres, etc., ou retrouver la santé plus rapidement d'un problème de santé. En fait, hier, j'ai fait une indigestion avec la diarrhée un peu. Ça s'est passé rapidement. Aujourd'hui, je suis en bonne santé, je sors levé, puis je suis content. Des fois, il y a des choses que ça va vite, puis on est content, etc. Dans mes observations, la pensée d'un individu, sa subjectivité a un impact. Prenons par exemple le cas de ma famille. Mon père est décédé à l'âge de 45 ans. Ça s'approche tranquillement de mon âge, hein, j'ai 43 ans. D'un cancer assez rapide de l'intestin. En quelques mois, il était atteint d'un cancer de stade 4. Mais c'est un homme colérique. Et son jumeau est toujours vivant à l'heure actuelle. Il a fait un examen au niveau des intestins. Parce que c'est sûr que si son frère est mort d'un cancer des intestins, puis il partage la même génétique que lui, étant jumeau, ben, il était un candidat potentiel au cancer, puis il a fait des vérifications, puis non. Quand il a fait les tests au niveau de l'intestin par rapport à une colonoscopie, non, il n'y avait pas de cancer. Or, les deux individus ont une génétique similaire. Qu'est-ce qui explique cela? Il y a plusieurs variables. On va dire, bon, la gestion du stress, l'alimentation, et je rajouterais aussi la psychologie. L'oncle que j'ai, qui se trouve être le jumeau de mon père, qui est toujours vivant, quelqu'un qui a le plus le sens de l'humour, qui prend la vie avec la légèreté et qui est moqueur aussi. Tandis que mon père était plus sérieux, était plus austère, était plus colérique, perfectionniste. Donc, la mentalité jovialiste, donc de prendre la vie avec le sourire, viser le bonheur, plutôt qu'être dans le masochisme moral, à mon avis, une portée énergétique. C'est sans doute en relation avec le fait que André Moreau, quand même, ayant passé l'âge vénérable de 80 ans, donc ce philosophe québécois écrit toujours des livres aujourd'hui, et il y a toujours une acuité psychique, alors qu'il y a plein de personnes passées 80 ans qui sont décédées ou qui se ramassent avec des problèmes d'Alzheimer qui font en sorte qu'ils ont perdu la carte ou qu'ils ne sont pas en mesure d'écrire des livres et ils ne sont même pas en mesure de reconnaître leurs proches. Là. Donc, l'état d'être de la personne a une incidence, constitue sa vie, mais il y a d'autres variables aussi. Parce que la personne peut avoir des problèmes de santé qu'elle n'a pas choisi, et ainsi de suite. Mais le point que je veux faire par rapport à tout ça, puis je vais essayer d'aboutir, hein, ça fait au-dessus d'une heure que je parle, de ça, pour moi, c'est un plaisir de vie de parler dans un sens, ça me permet de m'exprimer, oui, puis de laisser l'exprimer l'énergie à travers moi. Ce que je veux dire, c'est que l'esprit a un agenda pour l'ego. L'ego peut résister à l'agenda, mais s'il est honnête avec lui-même, il est obligé de reconnaître l'existence de l'esprit et de l'agenda. La problématique avec l'esprit, c'est que il manipule cette conscience-là, nous amène dans des directions, etc. Ça, c'est en lien avec mon vécu. Mon vécu, comme je disais un peu tantôt, je me sens un peu coincé dans la vie à un certain niveau parce que je me sens comme entre l'arbre et l'écorce. D'un côté, je sais que ça existe, mais que je ne peux pas faire ce que je veux tout le temps avec l'esprit. Parce que sans ça, c'est sûr que présentement, au moment où je vous parlerai, je serais multimillionnaire dans un état de santé parfaite puis du week-end scléreux, atrophique, qui a amené à ce que j'ai une opération. J'en aurais pas. Mais si j'aurais tout ce que je veux, peut-être que je serais plus orgueilleux que je le suis présentement. Donc, puis je pourrais produire des expériences qui seraient réplicables en laboratoire de voyance, de remote viewing, vision à distance et ainsi de suite, que je pourrais présenter à des scientifiques. Mais c'est pas le cas. En fait, l'esprit s'en fout, comme je disais, ce qui m'est venu en tête de l'esprit. Ils ne cherchent pas à prouver des choses à des gens qui ne sont pas concernés. Puis les gens qui sont concernés par rapport à ça, qui résistent ou qui ne résistent pas, Ils vont être attirés comme des aimants par rapport à des enregistrements de conscience vibratoire, puis ils vont y revenir ponctuellement dans toute leur vie. Parce que, à quelque part, ils savent qu'il y a une vibration qui est réelle derrière ça. Ce que ça me dit concernant Marc de la Salle, puis on verra si ça va s'actualiser, c'est une prédiction que je capte présentement. Marc de la Salle, que j'ai interviewé pendant un paquet d'années, l'auditoire qu'il a eu de son vivant, c'est un peu la pointe de l'iceberg, parce que les gens qui vont l'écouter au fil des ans, son public, dans le fond, est plus dans l'avenir que dans le passé. Pourquoi? Parce qu'il vibrait une certaine vibration avec force, puis les gens, il y a des gens qui, vu qu'ils venaient après Bernard de Montréal, ont dit « Ah, c'est un sosie de Bernard de Montréal, c'est un copier-coller. » Ouais, mais c'est une vibration, ils vivent une vibration. Donc, ils vont être obligés de prendre en considération ça. Les gens qui se sentent interpellés par cette vibration-là vont être obligés de prendre en considération les travaux de Marc de la Salle, même si le cadre de référence, etc., font pas nécessairement leur plaisir ou ça demande un effort. Tu as des Européens qui écoutent des enregistrements de Bernard ou d'autres personnes québécoises qui sont obligés de s'ajuster, s'adapter à l'accent, au vocabulaire, au niveau psychologique, ça demande de l'énergie. Parce que c'est pas tout à fait les mêmes mots, les mêmes formulations de phrases, les mêmes concepts. Donc, ça demande un effort, mais s'ils sont supportés vibratoirement pour ça, ça va se faire avec une certaine facilité car ils vont avoir l'énergie d'intégration. Voilà qui est dit. Mais pour ce qui est de Marc de la Salle, puis on verra, on pourra, c'est des gens qui m'écoutent encore dans 20 ans ou dans 30 ans, ou peu importe, on pourra s'en reparler, mais j'ai l'impression que le nombre de visionnements va augmenter dans les prochaines années par rapport à lui. Même chose pour Bernard de Montréal puis d'autres personnes dans la mouvance d'une diffusion supramentale à effet psychique. Pourquoi? Parce que avec le temps, la vibration supramentale descend puis pénètre. L'astral peut retarder le mouvement, créer du doute, voire ridiculiser le mouvement, mais tout ça, c'est juste temporaire. C'est juste une question de temps, puis la vibration fait son chemin. Donc, c'est ça. Bon, OK, je vais arrêter, là. Ça fait presque une heure et demie que je parle, là. Donc, écoutez, pour les gens qui m'ont écouté jusque-là, là, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.